egzotik yeraltı. Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock and roll'un ters köşeleri. Danser comme ça. déjeuner au lit. C'est facile, mon refuser, il a bon appétit. Mais je crois bien que je saurai comment donner mon vie. Faut savoir le comprendre, car il n'est pas facile. Mais je sais me défendre et je le rends docile. Et oui, car certains hommes d'action m'en bonnent à moi. Je lui fais faire ce que je veux, mais il ne le sait pas. Parfois il porte le jupon et moi le pantalon, mais il se sent bien heureux, croit faire tout ce qu'il veut. Que c'est mal le connaître, de le croire imbécile, puisqu'il est le maître, le roi. que je m'exaspère. Je ne peux pas me sentir là, moi. Je vais faire un tour dehors, un tour dans la rue, droit devant moi, mais dehors, au hasard et sans but. Quand revient le temps des vacances, retrouve sa liberté. Je voudrais bien avoir la chance de revoir les amis d'été. Mais pas question de Pékin, c'est bien mieux pour moi. Les temps est court, faut en profiter, yeah. Car les garçons ne sont pas tous les jours sérieux. Je prends tout mon temps, je n'ai que 20 ans. Quand seront finies les vacances, je reviendrai le cœur content. Lorsque je frappe à ta porte, sonne chez toi, pourquoi n'ouvres-tu pas? Lorsque je frappe à ta porte, te cherche partout, pourquoi te caches-tu et me fuis-tu toujours? Je frapperai à ta porte, crierai ton nom, réveillerai les gens. Je frapperai et crierai toute la soirée, jusqu'à ce que tu ouvres et me laisses entrer. Oh mon amour, lorsque je veux te voir, ce n'est pas le temps de t'endormir. Je ne pourrais te tenir si tu refuses d'ouvrir la porte. Lorsque je frappe à ta porte, sonne chez toi, pourquoi n'ouvres-tu pas? Lorsque je frappe à ta porte, te cherche partout, pourquoi te caches-tu et me fuis-tu toujours? Oh mon amour, lorsque je veux te voir, ce n'est pas le temps de t'endormir. Je ne pourrais te tenir si tu refuses d'ouvrir la porte. Parce que je frappe à ta porte, sonne chez toi, pourquoi n'ouvres-tu pas? Parce que je frappe à ta porte, te cherche partout, pourquoi te caches-tu et me fuis-tu toujours? Pourquoi te caches-tu et me fuis-tu? Te caches-tu et me fuis-tu? Te caches-tu et me fuis-tu toujours? Bye. mini-jupe. Oui, un gars en mini-jupe. C'était foudroyant. Ah oui, c'était criant. Je l'ai suivi. J'ai regardé. toujours dit le garçon de ta vie. Oh, il viendra bien un jour pour éclairer tes nuits. Oh, mais ce qu'on ne dit pas et ce qui compte pour moi, c'est quand je serai. Suspension, les poissons et des vertus de concierge. je laisse sans commentaire les cancers, les gens font cinémascope, l'horoscope. Et pour chanter, pour chanter, et pour danser, les Gémeaux. Ils sont nés sous le signe du soleil. Quand on met les oiseaux chantent au ciel bleu des beaux jours, au ciel bleu de l'amour. cheveu. Mon sacré père pour sûr avait toute sa raison. Depuis je n'ai plus guère de quoi sur le citron. Auberge. J'ai bon de ma diverge, je crois que ce serait mieux. C'est pour tirer ta flemme, tu fermais pas les yeux. Monsieur John Bond pour sûr est un très grand espion, mais je préfère tirer des chèques sans provision. Auberge. Le grand Sartre m'a dit, Berthe, existes-tu? Dans mon néant, es-tu vêtue ou toute nue? Crayon de nom Jean-Paul, faut de la réalité. Pour te prouver, je m'en vais monter sur tes doigts de pied. Sa sainteté Paul VI m'a dit non force pas Dieu. Les stépilus, je t'assure qu'il y a beaucoup mieux. Marie-toi vite pour fabriquer des tas de marmots. Fonde un foyer avec la méthode Ogino. Auberge. Lyndon Johnson m'a dit Berthe, ça sent le cramé. Éteins le fourneau, sans ça la maison va brûler. Quand tu fais cuire un bon steak, gaffe à la cuisson. Le carburant coûte bien plus cher qu'à Saïgon. Auberge. Daryl Zanuck m'a dit rapide à Hollywood. Tournez un film ou deux ou trois, sinon je boude. Zanuck, je m'en fous, mais puisqu'il faut se dévouer pour genre humain et pour la gloire, je vais jouer. Auberge. Antoine Pinet m'a dit, viens vite à Saint-Chamond. Déjà, il faut penser aux prochaines élections. Française ou française, je pose ma candidature. Voter pour Berthe, les yeux fermés, ça c'est du sûr. Aux urnes! Oublie qu'avant, cet amour tu l'avais. Oublie qu'avant, c'était à toi qu'ils pensaient. C'est tout ce qu'ils savent me dire, me demandant dans leur sourire. Oh oui, mais c'est trop demandé, quand moi je sais que je ne peux l'oublier. Oui, oui, oui, oublie qu'avant, c'était lui qui t'enlaçait. Tous tes problèmes, c'était lui qui les chassait. Est-ce qu'ils ne comprendront jamais qu'il faisait partie de ma vie, oui. Et que je suis perdue sans lui depuis le jour où il n'est pas revenu. Non, je ne l'ai pas revu. C'était toi celle qu'il aimait. Jamais un jour passé qu'il ne le disait. Oui, quand l'amour est à sa fin, on dit qu'il ne faut pas pleurer. Je ne fais que penser qu'il faudra bien un jour essayer de m'amuser, hey, pour pouvoir l'oublier. N'oublie pas d'y penser. Hey, hey, hey. mon petit doigt, méfie-toi, il sait tout de toi. Si tu te moques de moi, il me le dira. Mon petit doigt me dit toujours la vérité. Quand il parle de toi, il ne peut s'arrêter. élégant de te voir dans un miroir, alors tu comprendras que chaque fois que tu me fais la tête, ça me donne envie de rigoler. Quand vas-tu cesser de faire la tête? Sois pas bête, allons, viens m'embrasser et ça va te passer. La lune quand flottait dans la nuit brune les parfums de l'Orient. Il lui disait tendrement: tu es belle comme un soleil levant, tu es ma vie, ma petite fleur des champs, m'aimes-tu aussi? Il l'a gravé sur le tronc d'un vieil arbre leur prénom, c'est ainsi depuis toujours. À Saïgon qu'on est l'amour, tu es belle comme un soleil levant, tu es ma vie, ma petite fleur des champs, m'aimes-tu aussi? Et pour la relève béni de Dieu. Car cet amour, m'a-t-on dit, existe encore aujourd'hui. Ils sont vieux, mais chaque nuit, en l'embrassant, il lui dit, tu es belle comme un soleil levant, tu es ma vie. Si l'on pouvait s'aimer autant, toute une vie, si l'on pouvait s'aimer autant, toute la vie. Si tu dis je t'aime, montre que tu m'aimes, ne me laisse pas toute seule chez moi. Le dimanche à minuit, tu disparais pour ne revenir que le samedi. Si tu ne peux pas faire un signe, petit chéri, pour montrer que tu m'aimes. Oh oui, si tu ne peux pas faire un signe, petit chéri, il faudra que tu m'oublies. Oh oui, quand tu partiras. Après ces fins de semaine, ne me fais pas encore de la peine. Tu peux m'appeler, c'est pas si compliqué. Si comme tu dis souvent, tu m'aimes vraiment, fais-le moi le pendant qu'il est temps. Si tu ne peux pas faire un signe, fais-tu chéri pour montrer que tu m'aimes. Tu ne peux pas faire un signe, petit chéri, faudra que tu m'oublies. Oh oui. Bye-bye.